Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 26 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant de Marie Besson de Dolbeau-Missisni qui participait aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire hier. Et elle a pris le 9e rang hier. La judokate de Dolbeau-Missisni avait battu la japonaise Alidou Salamat. Ensuite, elle a dû passer par le repêchage et elle a gagné contre la Suisse Tania Silva avant de perdre contre Julia Roseau. Donc, 9e position pour Marie Besson au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. C'est la traversée traversée du Lac-Saint-Jean cette semaine à Robertval. Il y a toutes sortes d'activités en marge de la compétition qui aura lieu samedi. Et c'était le défi Plouf hier. Et un record de 225 nageurs qui provenaient d'un peu partout de la région ont participé aux différentes compétitions, aux 50, aux 100 mètres et aux 1 km. La présidente Kim Privé a mentionné que c'était important pour assurer la survie ou la relève de la traversée de tenir un tel événement. On va parler de golf maintenant. Pierre-Alexandre Bédard a réagi ce matin sur la compétition du Mackenzie Tour où il a participé la semaine dernière à Montréal. Il a malheureusement pas fait la coupure. Malgré tout, il s'est dit très très content de son expérience et il mentionne évidemment que le terrain n'était pas facile. Le parcours qui était normal 72 en normal 70 en prenant deux par 5 de 505 verges puis en les mettant par 4. Donc c'est sûr que pour ça c'était un bon challenge de golf là, pour nous cette semaine. Dans un deuxième temps, Pierre-Alexandre Bédard mentionne évidemment qu'il y avait de la grosse compétition lors de cette épreuve. En fait, McCoy avait déjà fini 3e dans un tournoi de la PGA. Ok. C'était un amateur qui jouait à l'universitaire. Puis là, il a tourné, il a fait le saut professionnel cette année. Il y avait aussi Jared Dutoit, qui a joué l'année passée le New RBC, le Canadian Open. Ouais. Puis qui va avoir lieu cette semaine, justement, là, à Glenabbé. Lui, il avait terminé, il était dans le dernier groupe des leaders l'année passée, après 3 rondes. Donc, il y a un paquet de joueurs là, qui avaient vraiment de la bonne expérience là, sur le circuit de la PGA. Puis, environ 5 à 6 golfeurs qui participaient cette semaine. Au tournoi vont jouer le Canadian Open cette semaine. Donc, okay. Plusieurs bons joueurs qui étaient là. Puis c'était pour ça que c'était un beau tournoi pour moi de, encore une fois, tester mon niveau de jeu. OK. Ligue de balle lente de Robertval, il y avait des matchs hier. Le Bar Le Zodiac a défait le Garmin 9 à 8. Victoire de Pierrot Roussel 13 à 12 contre le Mégavac. Et Intersport a défait le Saint-Hubert Express 11 à 9. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai parlé avec Martial Bouchard, qui est le président du club de golf de Saint-Prime, où on fait un peu le bilan de la fin de semaine. Très positif, selon Martial Bouchard. Également, il réagit au fait que la MRC Domaine du Roi va aider le club avec un montant de 35 000 $ par année pendant 4 ans. Le sport local et régional, à danradiosport.com, à son équipe.